verre passé, l'amour veut renaître, le printemps dépêche ses premières lilas. Comme il était fort, ton bras qui m'enlace, comme il était bleu, notre ciel d'été. L'amour, ça n'a rien, ça vient et ça passe. Oh, ça n'a rien du tout, mais ça fait chanter. Nous étions heureux, nous rions sans cesse. Ma voix pour te plaire, inventer des mots. Quand tu m'embrassais, j'étais ta maîtresse. Et quand j'ai chanté, j'étais un oiseau. J'ai chanté le jour, le soir en folasse. Ma voix sur ton cœur semblait murmurer. L'amour, ça n'est rien, ça vient et ça passe. Ça n'est rien du tout, mais ça fait rêver. Ma voici qu'un jour par une fenêtre, ton regard suivi d'autres cheveux d'heure. Tu vas me quitter, je mourrai peut-être, tu ne m'aimais plus. Moi je t'aime encore. Quoi, ces petits fronts si blancs dans la glace, c'est moi qui tout passe sans te souvenir. L'amour ça n'est rien, ça vient et ça passe. Ça n'est rien du tout.